droite. Antique par exemple. Bonsoir. Devine où je suis, l'émission où les auditeurs de FPI ont la parole. Devine où je suis. Devine où je suis. Devine où je suis. Devine où je suis. Devine où je suis. Tu devines où je suis. Le sujet de Devine où je suis ce soir était pour le moins incontournable. La capitale vit depuis plusieurs jours maintenant une situation de crise civile jamais vue depuis plusieurs dizaines d'années. Depuis la commune peut-être, même si ça c'est aux historiens et aux sociologues d'en juger. En tout cas, la situation à Paris est pour le moins tendue. Il y a quelques minutes, Clotaire Sanchez vient de vous le dire dans son journal de 19h, une cinquantaine de personnes ont été arrêtées dans le 18e arrondissement après une vaste opération de la police et du GIGN. Ce soir, Devine où je suis, l'émission des auditeurs de FPI va se pencher sur les réactions de la population à cette situation de crise. Nous essaierons avec vous d'y voir plus clair, avec vos analyses, vos témoignages, et en présence ici en studio des membres de la rédaction de FPI ainsi qu'avec Bernard-Henri Luxencrot qui joue les consultants pour notre antenne depuis bientôt une semaine. Tout de suite, nous prenons un premier appel. Bonsoir, c'est à vous, vous êtes sur FPI, allez-y, prenez la parole, n'ayez pas peur, vous êtes à Devine où je suis. Allô ? Oui, c'est à vous, parlez, nous vous écoutons, n'ayez pas peur, allez-y. Allô, je suis à l'antenne, là ? Oui, on peut dire ça comme ça, allez-y, lancez-vous. Alors oui, alors bonsoir. Bonsoir. Je voulais simplement dire que j'avais peur, voilà. Oui, effectivement, voilà une réaction qui synthétise bien le sentiment d'angoisse qui transparaît souvent dans la population, pas uniquement parisienne d'ailleurs, un sentiment de frayeur à l'idée que la flambée de violence dans la capitale contamine tous les quartiers, toute la ville, puis tout le territoire. Est-ce que ce sentiment est rationnel, Bernard-Henri Luxencrot ? Je dirais oui. Très bien. Et en même temps... Oui. Et en même temps, les autorités réagissent avec efficacité. Oui, effectivement. Donc, je dirais non. Un autre appel au standard de Devine où je suis, je crois que c'est Christine de Vanves. Allô, bonjour, c'est Christine de Vanves, j'appelle de banlieue parisienne. Oui, allez-y, posez votre question. Posez votre question, s'il vous plaît, Christine. Oui, je voulais savoir si cette révolte ne pourrait pas être comprise. Je veux dire, il y a des morts, il y a de la casse, et beaucoup d'excitation, mais il y a forcément une volonté de remise en cause de la société, un sentiment de sincère d'une grande partie de la population. Est-ce qu'on peut pas comprendre ça ? On vous entend un peu mal, Christine. Votre avis, Patrice Ledru, de la rédaction de FPI, vous avez vu de vos yeux les émeutiers à l'œuvre ? Alors oui, Pierre, je voudrais dire à Christine ainsi qu'à nos auditeurs, nous journalistes de FPI, nous avons vu ces émeutiers dans la rue et là vraiment quand on les voit, on comprend tout de suite qu'il est impossible de discuter avec eux. Ils sont allés trop loin tout de suite. Vous les avez vus. Oui, nous les avons vus au BHV, nous les avons vus à Barbès, à la Goutte d'Or. Leur violence, leur agressivité bloque définitivement toute possibilité de négociation, toute possibilité de débat. Ce n'est pas possible de discuter avec eux. D'ailleurs, encore faudrait-il qu'ils aient des représentants, des personnes avec qui on puisse négocier. Or, les autorités, elles n'ont personne en face. Il n'y a pas d'organisation. Pour l'instant, je le rappelle, on ne sait toujours pas précisément de qui il s'agit. Merci, Patrice, de votre esprit de synthèse. Bernard-Henri Luxencrot, un mot, vous ne les avez pas vus, vous les émeutiers. En un mot, la violence et la criminalité ne constituent en aucun cas un langage. Et pas de langage. Pas de discussion. Pas de discussion, pas de débat. Pas de débat, c'est exactement ce que nous avons constaté oui, sur le terrain. Avec d'autres mots. Et... Tout de suite, un nouvel appel au standard de Devine où je suis. C'est Bernard de Paris 10e. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais simplement dire au gouvernement que c'est une bonne chose de réagir durement à une révolte dure. Je veux bien croire que la situation sociale de cette fin d'année est préoccupante et que les conditions de vie d'une large partie de la population se sont dégradées ces dernières années. Mais là, franchement, le mouvement va trop loin. D'après vous, Bernard, les émeutes seraient dues à la situation sociale. Je tiens à préciser que je ne suis pas du même bord politique que le gouvernement actuel, hein, mais ce coup-ci, je soutiens sa réaction. Je crois qu'on a compris une précision, Clémentine Delahaude, vous faites partie de la rédaction de FPI. Oui, alors moi je crois que cet auditeur est assez caractéristique, il représente bien la population. D'ailleurs, ces derniers jours, de nombreux experts, des scientifiques, aussi des sociologues, expliquent que les émeutiers, du fait de leur violence, se sont mis toute une partie de la population à dos. Des gens qui pourtant, en d'autres circonstances, auraient pu les suivre, ou au moins ne pas juger leur action et pas le voir d'un mauvais œil. Alors, évidemment, le fait que les manifestations aient dégénéré et en plus entraîné la mort d'une personne devant le BHV, hein, où j'étais, je vous le rappelle, là, c'est sûr, la population ne peut plus suivre. Très bien, merci. Encore un appel, c'est à vous. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Jean Maurouge. J'appelle juste pour dire à ma femme que j'ai...